Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Are you up for it? Essentiellement du SMS ou les réseaux sociaux. Pourquoi cette disponibilité? C'est beaucoup plus simple. Un peu comme tout le monde en 2018, j'utilise beaucoup mon téléphone. Je peux plus m'en passer. On commence déjà de nous transformer individuellement, collectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de pression des copines au lycée, donc voilà, l'iPhone c'est bien. Nous saisit entièrement pour faire de nous ses fils et ses filles. Pas à la rémission des péchés. poser, l'exotisme, le couper en transe, ajouter du happy end, de l'ivresse, de l'ivresse, quintessence d'ultrason, une quintessence d'ultrason, dresser immédiatement dans un extra dry, un extra dry, vider l'exégète, couper le tricorne, replacer, l'hyménée, éplucher, l'impie, fouetter l'ubiquité dans un hypothalame salé, arroser, faire dessaler l'excitation, la tremper dans un thésaurus, placer le hasard dans une passoire, y plonger le kino, déguster le plat, accompagné d'urgence sautée et garni de fines rondelles d'éternité. Demandez à votre poissonnier de découper l'émoi en morceaux. Il essaie l'arête et la peau. Découper un demi-tamanduin en bâtonnets assez fins. Mettre ses bâtonnets dans un hétéroclite avec deux cuillerées d'indéfini, une pincée de kidam. Faire dessaler l'excitation. Un petit morceau d'usure. La tremper dans le thésaurus. Laisser cuire jusqu'à l'exubérance. Placer le hasard dans une passoire. Conserver hors du feu. Y plonger le kino. Faire fondre l'euphémisme dans une tribade. Verser de l'hédonisme et quelques gouttes d'iconoclaste. Déguster. Laisser refroidir. Humidifier la quinine. Plat accompagné. Tremper un pinceau dedans. Badigeonner le tricule. Verser le tout dans l'écumoire. Demandez à votre poissonnier de découper les mois en morceaux. Amener l'extase à l'état de turbulence. Hisser l'arête et la peau. Écumer le halali. Découper un dami tamandua. Mélanger le suc exprimé à l'ilang. Mettre ses bâtonnets dans un hétérodiclite. Faire dissoudre le cantique et l'utopie. Piler les épices. Agiter, exprimer avec de l'eau. Il est préférable d'utiliser l'extase cultivée simple et récoltée au printemps. Amener l'extase à l'état de turbulence. Écumer le halaheli, le halaheli, le halaheli. Thank you. Mélanger l'abricot et les baloches. Mélanger l'abricot et les baloches. Mélanger l'abricot et les baloches. Porter à ébullition. Mettre du radium dans le greffier. Laisser épaissir illico presto. Comment choisir les bétons toitures? La chair doit être ferme et de corps rigide. L'œil doit être vif et brillant. À l'aide d'un pinceau, beurrer une plaque à l'enfant. Graillonner une boutiche brondeuse. Incorporer un énorme dégringolé sur la chasse. Cuire l'os. Parsemer de mille pages de l'écousse. Faire une crème fouettée en chantilly avec un noisillon olivique. Et ajouter une colonne curarisante. Dans le tiroir aux lentilles, mélanger l'eau de l'iceberg. Arroser les boutons pour la bouillie. Appuyer sur le champignon. Caresser la chute. Servir immédiatement sur caresser la chatte de Bermuda ou un aigle fin esthétique. Ce plat n'attend pas. Il se mange chaud. Thank you. Thank you. End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.